بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد الحمد لله. On continue donc notre lecture du livre de Cheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali حفظه الله تعالى, qui s'intitule, le livre qui s'intitule Bahjatul Qari. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. بفوائد منهجية ودروس تربوية من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح البخاري. Donc c'est un livre qui explique certains points bénéfiques dans le manhaj et des leçons sur l'éducation, tarbiyah, tiré du chapitre de al-i'tisam bil-kitab wa-sunnah, le fait de se cramponner au Coran et à la sunnah dans le sahih de l'imam al-Bukhari. Donc on va continuer à partir de là où on s'était arrêté la dernière fois. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 2. Et Cheikh Rabi' hafizahullah, il dit: فيجب أن نأخذ بجد لا بالاسترخاء والتساهل ولا بالتقليد الأعمى بل علينا أن نتدبر هذا القرآن كما قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب فالقرآن أنزل للتدبر والتفقه فيه وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. Donc il dit, le cheikh il explique maintenant, il dit que hein, après avoir mentionné le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit يَا يَحْيَا خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةِ. Oh يَحْيَا, hein, prends le livre avec force, accroche-toi au livre avec force. Donc il est obligatoire pour nous de prendre hein, cette religion et de nous accrocher au Coran et à la Sunna avec sérieux. Et de ne pas prendre ça, de ne pas prendre les choses hein, à la relâche, hein, de se laisser aller et de prendre les choses à la légère. Et on ne doit pas non plus suivre aveuglément et se satisfaire de suivre les autres aveuglément. Beaucoup de gens comme ça, malheureusement, hein, ils ne veulent pas faire eux-mêmes l'effort de chercher la vérité et de suivre la vérité par eux-mêmes. Ils se sont satisfaits de suivre les autres. Les autres ont dit, c'est correct, ok, c'est correct. Les autres ont dit, c'est pas correct, c'est pas correct. Mais ils n'ont pas cherché par eux-mêmes pour savoir ça. Est-ce que ça c'est vrai ou non. Alors ça c'est pas correct. Il faut que tu saches la vérité. Et que la vérité, elle est vraie, hein, parce que tu l'as trouvée toi-même, tu l'as compris toi-même avec les preuves. Hein, et tu as été convaincu. Pas seulement parce que tes amis ont dit que quelque chose est vrai, donc toi tu répètes comme eux. Et dans certains quartiers, et dans certaines régions, et dans certaines villes, c'est comme ça que les gens fonctionnent. Hein? Ils ont une tête ou un chef hein, dans leur groupe. C'est lui qui est une référence pour les gens, alors ils retournent vers lui. S'il dit A, eux ils disent A. S'il dit B, eux ils disent B. Et ils ne cherchent pas à savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce qu'il y a un dalil, est-ce qu'il n'y a pas de dalil. Et ça c'est qu'est-ce qu'on appelle le taqlid, l'a'ma. Et ça c'est très mauvais. Hein? C'est pas correct. Il faut suivre les choses parce qu'elles sont basées sur les preuves et non pas parce qu'un tel ou un tel a décidé ainsi. Donc il dit le cheikh, bal alayna an natadabbar hadha al-Qur'an. Il faut réfléchir, méditer sur ce Coran. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a ordonné dans le Coran. Il dit dans le verset 29 dans sourate Sa'd, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun. C'est un livre que nous avons fait descendre sur toi et qui est béni. Liyadabbaru ayatihi, et pour qu'il puisse méditer et réfléchir sur ces versets et sur ces signes. Et pour que les gens qui détiennent la raison et qui comprennent les choses puissent se rappeler. Et donc c'est un Coran qui a été révélé dans le but de faire réfléchir les gens, dans le but qu'on y réfléchisse et qu'on apprenne à le comprendre et qu'on cherche à l'étudier. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala il l'a révélé et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet-là, hein, celui pour qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Hein, celui pour qui Allah veut du bien, il lui facilite la compréhension de la religion. Donc il faut chercher la compréhension et la connaissance de cette religion-là. Il dit fa'alaykum bihadha al-kitabi wa bihadhihi as-sunnah ihtammu bihima hifdhan wa tafaqquhan wasta'inu 'ala dhalika bil fiqh al-khalis as-safi al-mustanad ila kalam ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam fiqh as-salaf as-salih ridwanullahi 'alayhim wa qad yakunu 'inda ba'd as-salaf shay'un min al-akhta' fanatarahhamu 'alayhim wa na'tadhiru lahum ولكن لا نتابعهم بل نأخذ من قول من قول نأخذ من قوله ويرد إلى رسول نعم فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il explique qu'il faut donc que vous vous accrochiez à ce Coran et à cette Sunna et que vous donniez à ces deux références une grande importance hein, en cherchant à mémoriser les versets, mémoriser les hadiths et chercher également à les comprendre, à avoir la compréhension de ces références-là. Et il dit, et également essayer de vous aider en cela, en cherchant une compréhension et un fiqh qui est pur, qui est propre et qui est basé sur la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et sur la compréhension des pieux prédécesseurs, hein, les sahaba et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon. Et ensuite, le cheikh, il explique et il dit qu'il se peut qu'il y ait chez certains d'entre les salafs des erreurs sur certains points. Hein, ça, c'est possible. Mais on cherche miséricorde, on demande miséricorde pour eux et on demande, yani, on cherche des excuses pour eux et on demande à Allah de leur faire miséricorde dans ces erreurs-là. Mais par contre, on ne va pas les suivre. On ne va pas les suivre dans les erreurs qu'ils ont faites. Hein? Parce que, yani, il n'y en a pas un entre un individu. Il n'y a pas un individu après le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui est infaillible. Hein? Même parmi les salafs, même parmi les sahaba, il se peut qu'ils se trompent sur quelque chose. D'accord? Et dans les choses sur lesquelles ils se sont trompés, on n'a pas le droit de les suivre. D'accord? Mais par contre, s'ils sont d'accord sur une chose, on n'a pas le droit de les contredire. On n'a pas le droit d'aller contre ce sur quoi ils se sont tous mis d'accord et qu'ils ont suivi tous. Ou bien si un d'entre eux a dit quelque chose et les autres ne l'ont pas opposé, ou ne l'ont pas contredit, donc dans ce cas-là, il faut suivre aussi. Et comme le cheikh il le mentionne, et ça c'est une parole aussi qui a été dite par l'imam Malik, rahimahullah, que toute personne, on peut prendre ou rejeter sa parole, excepté le messager d'Allah. Excepté le messager d'Allah. Ensuite, le cheikh, il continue à expliquer le hadith. Le hadith qu'on a cité par rapport au chapitre de Kitab al-I'tisam de Sahih al-Bukhari. Et en passant, vous pouvez tous retourner au chapitre de al-I'tisam dans le Sahih de l'imam al-Bukhari pour trouver les hadiths qui sont mentionnés dans ce livre. Parce que le cheikh Rabi'a Hafizahullah, il a pris ces hadiths-là dans le chapitre de Al-I'tisam dans Sahih al-Bukhari. Donc l'imam al-Bukhari, il mentionne le discours de Omar ibn al-Khattab après la bay'a de Abu Bakr, radiyallahu anhu. Et Omar ibn al-Khattab, après la bay'a de Abu Bakr, il s'est levé et il a fait ce discours. Il s'est adressé aux musulmans. Et il a dit أما بعد فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم وكان قبيل وفاته خطب عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده فبكى أبو بكر وقال فديناك بأبينا وأمهاتنا فعجبنا له وقال الناس انظروا إلى هذا الشيخ يعني يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده وهو يقول فديناك بأبينا وأمهاتنا يعني فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر هو أعلمنا به. Donc ici le cheikh il dit fa ashara Umar wallahu a'lam ila hadha al hadith wa ma min nabiy yamut illa wa qad khayyara bayna ad dunya wa bayna ma 'inda Allah. Donc ici le cheikh il mentionne un point par rapport à qu'est-ce que Omar ibn al-Khattab il dit. Il s'est adressé aux musulmans et il leur a dit yani que Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné le choix au messager sallallahu alayhi wa sallam entre ce qui est auprès de lui ou ce qui est avec vous, c'est-à-dire la dunya. C'est-à-dire Allah lui a donné le choix entre la dunya et qu'est-ce qui est auprès de lui, c'est-à-dire l'akhirah. Et il a choisi ce qui était auprès de lui, c'est-à-dire ce qui était auprès d'Allah. Et juste quelques temps avant ça, avant le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit justement, comme c'est mentionné dans le hadith de Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un serviteur a été donné le choix par Allah entre le fait de lui donner les fleurs de cette vie d'ici-bas, hein, de lui donner ce qu'il veut des fleurs de la vie d'ici-bas et ce qu'il y a auprès de lui. C'est-à-dire, il lui a donné le choix entre la dunya ou ce qui est auprès de lui, c'est-à-dire auprès d'Allah. Et il dit, et ce serviteur a choisi ce qui est auprès de lui, c'est-à-dire ce qui est auprès d'Allah. Alors, Abu Bakr, quand il a entendu cette parole-là, il a commencé à pleurer. Et il a dit, « Fadaynaka bi abina wa ummahatina, ya Rasulallah. » C'est-à-dire, on donnerait notre père et notre mère en rançon pour toi, ô messager d'Allah. Alors, les gens ont été étonnés. Ils ont dit, regardez, ce vieil homme, hein, cet homme, en parlant d'Abu Bakr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne qu'il y a un serviteur à qui Allah a donné le choix entre lui donner les fleurs de la vie d'ici-bas ou de choisir ce qu'il y a auprès de lui. Et lui, il dit, nous donnons nos pères et nos mères en rançon pour toi au messager d'Allah. C'est comme s'ils n'ont pas compris pourquoi Abu Bakr a dit ça et pourquoi il a pleuré, hein, quand il a entendu cette parole. Mais Abu Bakr radiallahu anhu a compris que quand il disait un serviteur a été, on lui a donné le choix, il a compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait de lui-même. En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train d'annoncer aux compagnons qu'il allait mourir. Il était en train d'annoncer aux compagnons qu'il allait mourir et que Allah lui avait donné le choix entre rester dans cette dunya ou de partir auprès de lui. Et il a choisi ce qui est auprès d'Allah. Donc quand Abu Bakr a entendu ça, tout de suite lui, il a compris directement de quoi il s'agissait. Alors il a commencé à pleurer, parce qu'il a compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait bientôt mourir. Et c'est pour ça que Abu Sa'id al-Khudri, il dit, « Et c'était le plus savant d'entre nous. » Le plus savant d'entre nous, parce qu'il a compris directement ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam voulait dire et qu'il parlait de lui-même, tandis que les autres n'avaient pas compris. Hein? Et ici, le cheikh, il dit que Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il faisait donc probablement, Allahu alam, allusion à ce hadith-là lorsqu'il dit ce genre de parole, lorsqu'il dit, hein, que Allah lui a donné le choix entre cette vie d'ici-bas et ce qu'il y a auprès de lui. Et il a choisi ce qui est auprès de lui. Et il dit en même temps qu'il n'y a pas un prophète qui meurt excepté que Allah lui donne le choix entre la dunya et ce qui est auprès de lui. Donc il dit, فَالْأَنْبِيَا يَخْتَارُونَ مَا عِنْدَ اللَّهِ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت فرد الله عليه عينه فقال ارجع فقل له ضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة فقال أي ربي ثم ماذا قال ثم الموت قال فالآن فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، فاختار عليه الصلاة والسلام الموت، والرسول صلى الله عليه وسلم خير كما خطب بذلك، كما أخبرت عائشة رضي الله عنها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهو صحيح، إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فلما نزل به رأسه ورأسه على فخذي غشي عليه ثم أفاق، فأشخص بصره إلى سقف البيت ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى. فقلت: إذن لا يختارنا، يعني وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح. قالت: فكانت آخر كلمة تكلم بها: اللهم الرفيق الأعلى. فاختار الأعلى مفارقة هذه الدنيا. Donc ici le Cheikh il explique, il dit que les prophètes, Allah leur donne toujours le choix entre la dunya et ce qui est auprès de lui. Et ici il est mentionné selon Abi Huraira radiallahu anhu dans un hadith, et c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim aussi, un hadith authentique. Il dit: on a envoyé à Moussa l'ange de la mort. Alors lorsqu'il est arrivé à Moussa, Moussa l'a frappé, il lui a crevé un œil. Alors l'ange de la mort est retourné vers son Seigneur. Et il a dit à Allah, il a dit: tu m'as envoyé vers un serviteur qui ne veut pas la mort. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui a remis son œil. Il lui a remis son œil comme il faut. Hein? Et il lui a dit: retourne le voir. Retourne voir Moussa alayhi salam. Et dis-lui: mets ta main sur un bœuf. Hein? Et pour chaque poil de l'animal qui est couvert par sa main, il aura une année de plus, hein, de vie. Alors, il a dit: et ensuite, ô mon Seigneur, qu'est-ce qu'il y aura, hein? Il a dit: ensuite, ce sera la mort. Alors, il a dit: alors maintenant. Alors, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de le rapprocher de la terre sainte, de la distance du lancer d'une pierre. Et ça, c'est rapporté aussi par, comme on a dit, par Al-Bukhari et Muslim. Et ça fait partie des hadiths qui mentionnent justement les bonnes qualités de Moussa alayhi salam. Donc il a choisi la mort alayhi salatu wassalam, comme le prophète sallallahu alayhi salam avait choisi la mort. Et le prophète sallallahu alayhi salam l'avait mentionné dans son discours. Et Aïcha radiallahu anha, au moment que le prophète sallallahu alayhi salam était malade dans ses dernières heures ou les derniers moments, il était avec Aïcha radiallahu anha, et elle dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était éveillé, hein, il a dit dans une de ses paroles qu'il n'y a pas un prophète à qui Allah subhanahu wa ta'ala prend son âme, excepté qu'on lui a montré la place qu'il aura dans le paradis, puis on lui donne le choix de rester ou de partir. Puis à un moment donné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a baissé la tête. Donc, c'est-à-dire que c'est comme s'il s'est endormi ou bien il a perdu connaissance. Puis quand il est revenu à la raison, lorsqu'il s'est réveillé, il a levé son regard vers le toit, vers le plafond. Et il a dit: « Oh Allah, le compagnon élevé, Rafiq al-A'la, le plus haut compagnon. » Et la plus haute compagnie, en voulant dire, yani, il a choisi de partir vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, Aïcha radiallahu anha, elle a dit: alors j'ai compris qu'il n'allait pas nous choisir. Il allait choisir Allah, subhanahu wa ta'ala, et ce qui est auprès de lui. Et j'ai compris qu'il s'agissait du hadith qu'il nous avait mentionné auparavant, à propos justement du prophète, lorsqu'il meurt, qu'on lui donne le choix. Et lorsqu'il était Yani lorsqu'il était réveillé, il nous avait mentionné ça. Alors je me suis souvenu de ça et j'ai compris qu'il était en train de, yani, de mentionner son choix et qu'il choisissait de, yani, de partir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc la dernière parole qu'il a prononcée, c'était Allahumma ar-Rafiq al-A'la. Donc il a choisi, de se séparer de cette dunya. Et le cheikh il dit, فهذه الإشارة من عمر تنسجم مع ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء وعن نفسه من أنه اختار ما عند الله عز وجل وآثر الدار الآخرة على الدنيا لما أدى رسالته على الوجه الأكمل وأكمل الله هذا الدين خيره الله فاختار ما عند الله وكذلك ما ورد في حديث أنس رضي الله عنه قال قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها فلما انتهينا أو فلما انتهي إليها بكت فقال لها ما يبكيك ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم فقالت ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها سبحان الله يعني فهذا الذي أشار إليه عمر رضي الله عنه من التخيير نسأل الله أن يوفقنا وإياكم أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يرزقنا التمسك بكتابه واتباع هدي نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام إن ربنا لسميع الدعاء. Donc ici le cheikh il explique que يعني c'est à ça que donc faisait allusion ici Omar ibn al-Khattab رضي الله عنه lorsqu'il mentionne la parole ou le choix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et que le prophète ainsi que les autres prophètes avant lui ont choisi ce qu'il y avait auprès d'Allah plutôt que de s'attarder dans cette vie d'ici-bas une fois que son message a été complété et transmis de la façon la plus complète. Il a préféré ce qu'il y avait dans l'au-delà à cette vie d'ici-bas. Hein? Et il a donc parce qu'il a complété le message que Allah lui a transmis, qu'il lui a ordonné de transmettre. Il l'a complété, il l'a transmis de la façon la plus complète et la plus parfaite. Et donc il a choisi par la suite ce qu'il y avait auprès d'Allah. Et il dit de même que il y a un hadith qui est rapporté selon Anas radiallahu anhu qui mentionne que Abu Bakr radiallahu anhu ainsi que Omar après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont partis pour visiter. Abu Bakr il dit à Omar, viens, on va aller visiter Ayman, hein, une vieille dame que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de visiter avec Abu Bakr et Omar lorsqu'ils étaient vivants. Alors, yani, ils sont partis pour aller la visiter. Et une fois qu'ils sont arrivés chez elle, et puis quand elle les a vus, elle s'est mise à pleurer. Alors, ils ont dit à Abu Bakr Omar, ils ont dit à cette dame, qu'est-ce qui te fait pleurer? Ne sais-tu pas que ce qui est auprès d'Allah est meilleur pour le messager d'Allah que cette vie d'ici-bas? Elle a dit, si je pleure, c'est pas parce que j'ignore que ce qui est auprès d'Allah est meilleur pour son messager, hein, que cette vie d'ici-bas. Sauf que ce qui me fait pleurer en réalité, c'est que la révélation du ciel, elle a cessé. Il n'y aura plus de révélation après, hein, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quand elle a dit ça, elle les a fait pleurer tous les deux aussi. Alors, Abu Bakr et Omar, les deux, se sont mis à pleurer avec elle. Hein? Donc, c'est pour dire, yani, ça c'est un exemple aussi, encore une fois, qui indique que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a choisi ce qui est auprès d'Allah plutôt que de rester dans cette vie d'ici-bas. Pourquoi? Parce que c'est meilleur. La vie de l'au-delà est meilleure que la vie d'ici-bas. Mais nous, on s'attarde. Au contraire, hein? On veut rester plus longtemps, le plus longtemps possible. Le deuxième hadith qui est rapporté, que le cheikh il a mentionné parmi les hadiths de Kitab al-Intisam, et comme j'ai dit dans l'explication au premier cours, qu'il n'a pas mentionné tous les hadiths du chapitre de al-Intisam, de Sahih al-Bukhari, il a mentionné seulement certains hadiths dans le chapitre. Et donc c'est pour ça des fois que si vous retournez au livre, vous allez voir que entre les deux hadiths, il y a des hadiths qui n'ont pas été mentionnés. Donc il dit وقال البخاري رحمه الله حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا وهيب عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضمني إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. Donc ici ça c'est un hadith qui est rapporté selon Abdullah ibn Abbas رضي الله عنهما, qui est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fils de Al-Abbas. Donc son nom c'est Abdullah, fils de Abbas. Et c'est Abbas, c'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il était musulman lui aussi. C'est pour ça que lorsqu'on dit an ibn Abbas, on dit radiyallahu anhuma. C'est-à-dire qu'Allah soit satisfait de tous les deux. En voulant dire soit satisfait de Abbas et de Abdullah, parce que tous les deux étaient des sahaba. Et il dit que Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a collé contre lui. Et il a dit, en faisant une invocation, il a dit oh Allah, apprends-lui le livre, enseigne-lui le livre. Hein? Il a fait une invocation pour lui. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari dans Al-I'tisam. Donc le Cheikh Rabi' hafizahullah, il dit par rapport à ce hadith: هذه دعوة عظيمة جدا إذا علم الله الإنسان كتابه ووفقه ووفقه فيه فلا نعمة أعظم من هذه النعمة بعد نعمة الإسلام. فدعاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم له بهذه الدعوة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم له بهذه الدعوة فاستجاب الله دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم فكان من أعلم الناس بكتاب الله وسماه الناس حبر الأمة لعلمه بكتاب الله رضي الله عنه. وقال عنه ابن عباس رضي الله عنه لو عاش ابن عباس رضي الله عنهما ما عشرناه في علمه, يعني ما نبلغ عشرة علمه, يعني اعترافا منه لابن عباس رضي الله عنهما بالفقه والعلم في دين الله تبارك وتعالى وفقهه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc il dit le cheikh que ça c'est une grande invocation de la part du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم pour Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas était très jeune à l'époque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait des du'as. Hein? Et il lui a fait des invocations pour que Allah lui donne la compréhension du livre. Dans une autre narration, il a dit « Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil ». C'est-à-dire, donne-lui la compréhension de la religion et enseigne-lui l'interprétation du livre. Hein? Donc il a fait des invocations pour qu'il puisse connaître le livre. Et si Allah enseigne à quelqu'un son livre et lui donne la compréhension de son livre, alors il n'y a pas une grâce qui est plus grande que cette grâce après la grâce de l'islam. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a fait ce dua et cette invocation, et Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé l'invocation de son messager alayhi salatu wa salam. Alors Abdullah ibn Abbas a été, à cause de ça, un des plus savants parmi les sahaba au sujet du livre d'Allah. Et c'est pour ça que les gens l'ont surnommé Habr al-Umma. Habr al-Umma, c'est-à-dire yani le savant de la Umma, Abdullah ibn Abbas. Et pourquoi? Parce qu'il avait la connaissance du livre d'Allah, radiyallahu anhu. Et même Abdullah ibn Mas'ud, qui était également un grand savant, hein, parmi les sahaba, Abdullah ibn Mas'ud était un grand savant. Il y a plusieurs parmi ceux qu'on appelle les Abadila. Al-Abadila, c'est-à-dire ceux dont le nom est Abdullah, Parmi les jeunes sahabas, il y en avait plusieurs qui s'appelaient Abdullah et qui étaient des savants de l'islam. Parmi eux, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Omar et Abdullah ibn Amr ibn al-As. Et je pense qu'il y en a d'autres encore. Donc, c'est pour dire qu'il fait partie de ces savants-là. Et Abdullah ibn Mas'ud, il dit, si Abdullah ibn Abbas avait vécu, on n'aurait même pas eu le dixième de sa science. On n'aurait même pas le dixième de sa science. Ça veut dire qu'il parle par rapport à la science d'Abdullah, par comparaison avec la science que lui, il avait. Abdullah ibn Mas'ud, il était un grand savant parmi les Sahaba. Et il dit, malgré ça, si Abdullah ibn Abbas aurait vécu, plus que, comme c'est en même temps, plus longtemps que lui, ou bien aussi longtemps que lui, Abdullah ibn Mas'ud, n'aurait même pas eu le dixième de la science que Abdullah ibn Abbas avait. Et il disait ça comme une sorte de reconnaissance du savoir de Abdullah ibn Abbas et de la compréhension qu'il avait de la religion d'Allah, hein, et de la connaissance et de la compréhension qu'il avait du livre d'Allah et de la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, wa kana afqahu an-nas bi kitabillah wa huwa al-marji' fi tafsir kitabillah fi al-mu'dalat. لأنه من أذكى الناس وأعلم الناس بكتاب الله ولأن الله استجاب فيه دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم فما جاءه هذا الفقه إلا من استجابة الله لهذه الدعوة العظيمة. Donc il dit que c'était un des plus savants et un des compagnons, c'est-à-dire celui qui avait le plus de compréhension du livre d'Allah. Et c'est lui la référence quand il y avait des sujets ou des questions au sujet du livre d'Allah qui étaient compliqué à comprendre ou plus difficile à comprendre, c'est lui qui l'explique. Hein? Parce qu'il était un des plus intelligents parmi les gens et le plus savant au sujet du livre d'Allah. Et parce que Allah, hein, a exaucé l'invocation du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a fait pour lui. Et c'est pour ça que toute la science qu'il a eue et la compréhension qu'il a eue est venue de cette invocation que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait faite pour lui. Il dit, ويدل هذا على أهمية الكتاب والسنة وما دعا إليه وما دعا له بكثرة المال والولد والجاه والسلطان وإنما اختار هذا الدعاء العظيم وهو أن يفقهه الله في الدين ويفقهه في القرآن وفي رواية أخرى اللهم علمه التأويل. يعني تفسير القرآن وفقهه. Donc ici le cheikh il dit ça c'est la preuve de l'importance du Coran et de la Sunna. Et le prophète صلى الله عليه وسلم il lui a pas fait des doigts pour dire يعني pour qu'il ait plus d'argent, plus d'enfants, plus de position, plus de pouvoir. Non, il a choisi pour lui l'invocation la plus importante, c'est-à-dire que Allah lui donne la compréhension de la religion et la connaissance de l'interprétation du Coran. Et c'est ça ce qui indique donc que c'est ça le plus important. Hein? Et le troisième hadith que le cheikh a mentionné ensuite, قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن صباح حدثنا معتمر قال سمعنا عوفا سمعت عوفا أن أبا المنهال حدثه أنه سمع أبا برزة رضي الله عنه قال إن الله يغنيكم أو نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم وقال أبو عبد الله وقع ها هنا يغنيكم وإنما هو نعشكم يعني ينظر في أصول كتاب في أصل كتاب الاعتصام. نعم. Donc ici البخاري Rahimahullah, il mentionne ce hadith qui est rapporté selon Abba Barza, radiyallahu anhu. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala vous a yani yughnikum, c'est-à-dire il vous a donné l'islam et Muhammad, yani il vous a suffi de l'islam et du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hein, plus, yani en dehors de toute autre chose. Et entre guillemets ou entre parenthèses, il mentionne ou bien il vous a élevé, hein, ou bien il vous a élevé, ou il vous a levé par l'islam et Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, il y avait les deux termes qui ont été mentionnés. Et il dit ici que c'était mentionné yurnikum, mais que à la base, c'était na'ashakum, ce qui signifie de lever quelqu'un, hein, de monter quelqu'un ou de lever quelqu'un. Donc on a été élevé par, Allah nous a élevé par l'islam et par Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh, il explique ici, il dit « Wa hada Abu Barza, radiyallahu anhu, sha'ara bi ni'mati l'islam ala hadhihi l'umma. Wa ala l'arab alladhina yukhatibuhum bi sifatin khassa, walladhina qala Allahu fihim huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum, يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين زكاهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم وعلمهم الله الكتاب والحكمة وهم كانوا من قرون على ضلال بعيد وشرك عميق ومن أضل الأمم وأجهلهم فرزقهم الله العلم ورزقهم الحكمة وزكاهم برسوله عليه الصلاة والسلام وهذه نعمة عظيمة جدا ويذكركم فيذكركم أبو برزة أو فيذكرهم أبو برزة رضي الله عنه بهذه النعمة وهي أنكم كنتم لا شيء فنعشكم الله لأنهم كانوا موتى فأحياهم الله لأن الكفر والشرك موت والإيمان والإسلام هو الحياة. Donc ici, le cheikh, il explique que يعني, Abu Barza, il essaie de faire sentir aux gens la grâce de l'islam pour cette umma. Il dit, et en particulier aux Arabes à qui يعني, il s'est adressé ici. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a élevé cette umma par l'islam. Et Abu Barza, c'est ce qu'il a voulu leur faire comprendre. Allah vous a élevé. Il vous a fait vivre par l'islam. Comme il dit dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 2, dans surat al-Jumu'ah, c'est lui qui a suscité ou envoyé parmi vous un messager, parmi les illettrés, parce que les Arabes sont un peuple qui n'avait pas reçu de livre auparavant. Donc, ils sont considérés comme un peuple illettré par rapport aux peuples qui ont reçu des livres auparavant. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ça. Il dit, c'est lui qui a fait venir parmi vous un messager de par vous-même, hein? Alors que, yani, il n'avait pas de livre auparavant, c'était un peuple illettré. Pour leur réciter ces versets et pour les purifier et pour leur enseigner le livre et la sagesse. Alors qu'auparavant, ils étaient dans un égarement évident. Ils étaient auparavant dans un égarement évident. Allah les a purifiés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il leur a enseigné le livre et la sagesse. Et donc, alors que des siècles auparavant, ils ont vécu dans une ignorance et dans un égarement profond et éloigné, et dans une forme de shirk profonde également, et de l'égarement, parmi les égarements des différentes nations, hein, ils étaient parmi les plus égarés des peuples et les plus ignorants de tous les peuples. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a donc donné cette science et leur a donc donné cette sagesse par lesquelles il les a purifiés. Par l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est venu justement pour leur amener cette connaissance et cette science. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a révélé. Et donc ça c'est la plus grande des grâces que Allah subhanahu wa ta'ala a pu leur faire. Et Abu Barza est en train donc de leur rappeler cette grâce, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala leur a faite. Et par laquelle il les a yani, élevés, hein, et par lesquels il les a fait, Allah subhanahu wa ta'ala les a fait revivre. Alors qu'ils n'étaient rien auparavant. C'était un peuple que personne n'aurait mentionné et que personne n'avait aucun intérêt justement à mentionner parce qu'ils n'avaient aucun poids, aucune valeur dans l'histoire, ni dans l'histoire de l'humanité, ni dans quoi que ce soit. Ils n'avaient rien fait pour quoi que ce soit de bien pour l'humanité avant cela. Hein? Et c'est uniquement lorsque l'islam leur est venu qu'ils se sont levés et qu'ils ont changé le cours de l'histoire. Et qu'ils ont justement, avec le message de la foi que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné, qu'il les a fait revivre déjà eux-mêmes en partant, et par cela, ils ont également donné la vie aux autres peuples également, puisqu'ils ont été ceux qui ont transmis le message de l'islam. Donc, ils étaient comme des morts. Ils étaient comme des morts. Et Allah les a fait revivre. Hein? Parce que le kufr et le shirk sont comparables à la mort. Tandis que la foi et l'islam, c'est la vie. Ensuite, le cheikh, il dit, « وَقَالْ إِنَّ اللَّهَ نَعَشَكُمْ بِالْإِسْلَامِ وَبِمُحَمَّدْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَعْنِي يعني نعشكم بالإسلام وبمحمد هذا يعني هذان متلازمان فنعشهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به عليه الصلاة والسلام فيقول احفظوا نعمة الله هذه عليكم وحافظوا عليها واحترموها واشكروها واشكروا الله تبارك وتعالى عليها وهذا تذكير جيد كلام قليل ولكنه عميق عظيم الفائدة hein? Donc le cheikh il dit Allah subhanahu wa ta'ala hein, il mentionne la parole de Abu Barza qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala vous a élevé par l'islam, vous a fait revivre par l'islam et par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ces deux choses là sont reliées, l'islam et Muhammad sont reliées parce que Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'islam et l'islam nous a été transmis par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le messager d'Allah. Donc, c'est comme s'il était en train de nous dire, ce compagnon, préservez cette grâce que Allah vous a faite. Gardez cette grâce que Allah vous a donnée et ayez pour cette grâce le respect qu'elle mérite et soyez reconnaissant envers Allah pour cette grâce. Et souvenez-vous de cela hein, très bien. Donc, le cheikh, il dit ça, c'est peu de mots, mais avec un sens profond et un grand bienfait dedans. Et le cheikh, il dit, « وَالصَّحَابَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانَ كَلَامُهُمْ قَلِيلٌ أَوْ كَانَ كَلَامُهُمْ كَانَ يعني كَلَامُهُمْ قَلِيلًا وَفِقْهُهُمْ عَمِيقًا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا مع أنهم أكمل الناس علما نافعا وعملا صالحا أقل الناس تكلفا يصدر عن أحدهم الكلمة أو الكلمتان من الحكمة أو من المعارف ما يهدي الله بها أمة وهذا من منن الله Donc le cheikh il explique ici que les sahaba radiyallahu anhum leurs paroles étaient peu, c'est-à-dire ils parlaient pas beaucoup, leurs mots étaient calculés, mais yani leur compréhension était profonde. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ça veut dire que tu vas lire les paroles des compagnons, tu vois que ils parlent, leurs phrases sont courtes, ils disent peu de mots, mais dans les paroles qu'ils disent, il y a des grandes significations, des paroles profondes. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il disait justement que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du fait qu'ils étaient parmi les hommes les plus parfaits, hein, en science bénéfique et en bonnes œuvres, et ils étaient les gens les moins compliqués. Hein? Ils étaient des gens simples. Ils ne se compliquaient pas les choses. Et ils pouvaient prononcer une parole ou deux de la sagesse ou des connaissances qu'ils avaient par lesquelles ils pouvaient guider. Allah faisait en sorte que des nations soient guidées. Yani avec peu de mots. Et il dit, et ça c'est parmi les grâces que Allah a faites à cette Ummah. Hein? Parce que quand on regarde même, ça c'est la citation de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, mais quand on regarde, comparer les autres peuples et les autres nations, et ceux qui sont venus avant, les prophètes qui sont venus avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et regarder les compagnons de ces prophètes-là, et comparer les compagnons des prophètes précédents aux compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et vous voyez à quel point Allah subhanahu wa ta'ala a fait une miséricorde à cette umma en choisissant pour son prophète, alayhi salatu wassalam, les meilleurs compagnons. Hein? C'est vrai. Ça, c'est une grande grâce pour yani cette umma. Parce que dans d'autres ummas, pour d'autres prophètes, ils n'ont pas eu justement des bons compagnons comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu des bons compagnons, qui ont été fidèles et honnêtes et qui ont gardé, hein, avec sincérité et avec force la parole, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donnée. Donc il dit le cheikh ensuite, Wal-an, al-kalam kathir, wal-khutab kathira, wal-mawa'id. ولكنها ثرثرة لأن الكثير قد يتكلم ولا يعمل فعليكم بالعلم والعمل وعليكم باستشعار وإدراك هذه النعمة التي من الله بها على هذه الأمة بهذا الدين الذي جاء به عليه الصلاة والسلام بالقرآن والسنة فهذه نعمة عظيمة جدا تترتب عليها سعادة الدنيا والآخرة والسيادة والعز في الدنيا والآخرة وهذا ما ذكر به أبو برزة رضي الله عنه الناس بأنكم كنتم لا شيء فأصبحتم سادة الدنيا وأصبح عندكم من النعم والخيرات في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. Donc le cheikh il termine ce point là en disant, regardez maintenant, beaucoup, les gens ils parlent beaucoup, mais les actions, ils sont peu. Hein? On parle beaucoup, mais les actions sont peu. Donc, apprenez la science et faites les œuvres. Et il dit, et vous devez également ressentir et comprendre cette grande grâce que Allah vous a faite pour cette umma en leur donnant cette religion avec laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Ça, c'est la plus grande grâce. Hein? Une grâce qui est la plus grande de toutes. Et la grâce duquel découle le bonheur pour les croyants. Dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et la domination et la force et la puissance dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et c'est pour ça que Abu Barz a rappelé aux gens cette parole. Hein? Rappelez-vous que Allah, subhanahu wa ta'ala, il vous a élevé par l'islam et par Muhammad. Hein? Et il y a cette parole de Omar, ou une parole attribuée à Omar ibn al-Khattab, dans ce sens-là, qui dit, Allah vous a honoré ou vous a élevé par l'islam. Il dit, nous sommes un peuple que Allah a rendu puissant et fier par l'islam. Il dit, et si nous cherchons la puissance dans autre chose que l'islam, Allah va nous humilier. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. Allah va nous humilier. Et c'est ça qui est arrivé à tous les peuples qui ont essayé de chercher une fierté quelconque dans autre chose que dans l'islam. Que ce soit dans le nationalisme et dans la fierté, que ce soit la fierté arabe ou la fierté kabyle ou la fierté africaine, ou la fierté indienne, ou la fierté, yani, peu importe, turque. Hein? Tous les peuples qui ont reçu cette grâce de l'islam et qui ont cherché la fierté en autre chose que l'islam, Allah les a humiliés tous, sans exception. Parce qu'il n'y a rien qui peut élever et élever un peuple autre chose que la foi et la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est une chose très, très importante pour les croyants. Et le cheikh, il dit ensuite, donc Abu Barza, il rappelle aux gens cette parole, et il leur dit, vous étiez rien auparavant, et maintenant vous êtes devenus les maîtres du monde. Hein? Donc, c'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné les grâces et les bienfaits et tous les biens de la dunya et de l'au-delà. Et beaucoup d'autres choses que seul Allah sait. Donc ça indique, comme le cheikh l'a mentionné, qu'il faut que nous soyons reconnaissants envers cela. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Inch'Allah, on continuera la semaine prochaine la suite de ces explications des hadiths. de l'imam al-Bukhari. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.